Julie a l'habitude de la prière. Saint Preux, philosophe déiste, s'est un peu moqué d'elle. Elle se défend. J'aimais la vertu dès mon enfance et cultivais ma raison dans tous les temps. Avec du sentiment et de lumière, j'ai voulu me gouverner et je me suis mal conduite. Avant de m'ôter le guide que j'ai choisi, donnez-moi quelque autre sur lequel je puisse compter. Je crois valoir autant qu'une autre, et 1000 autres ont vécu plus sagement que moi. Elles avaient donc des ressources que je n'avais pas. Toute la résistance qu'on peut tirer de soi, je crois l'avoir faite, et toutefois, j'ai succombé. Comment font celles qui résistent? Elles ont un meilleur appui. Après l'avoir pris, à leur exemple, j'ai trouvé dans ce choix un autre avantage, auquel je n'avais pas pensé. Dans le règne des passions, elles aident à surmonter les tourments qu'elles donnent. Tant qu'on désire, on peut se passer d'être heureux. On s'attend à le devenir. Si le bonheur ne vient point, l'espoir se prolonge. Malheur, à qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d'être habité. Et tel est le néant des choses humaines, qu'or, l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas. Voilà ce que j'éprouve en partie depuis mon mariage et depuis votre retour. Je ne vois partout que sujet de contentement, et je ne suis pas contente. Une langueur secrète s'insinue au fond de mon cœur. Je le sens vide et gonflé, comme vous disiez autrefois du vôtre. L'attachement que j'ai pour tout ce qui m'est cher ne suffit pas pour l'occuper. Il lui reste une force inutile dont il ne sait que faire. Cette peine est bizarre, j'en conviens, mais elle n'en est pas moins réelle. Mon ami, je suis trop heureuse. Le bonheur m'ennuie. Concevez-vous quelque remède à ce dégoût du bien-être? Pour moi, je vous avoue qu'un sentiment si peu raisonnable et si peu volontaire a beaucoup ôté du prix que je donnais à la vie. Mon cœur ignore ce qui lui manque. Il désire sans savoir quoi. Ne trouvant donc rien ici-bas qui lui suffise, mon âme avide cherche ailleurs de quoi la remplir. Vous souriez? Je vous entends, mon bon ami. J'ai prononcé mon propre jugement en blâmant autrefois cet état de prière que je confesse aimer aujourd'hui. Mais enfin, lequel tient le mieux à la vertu? Du philosophe, avec ses grands principes, ou du chrétien, dans sa simplicité? Lequel est le plus heureux de ce monde? Du sage, avec sa raison, ou du dévot, dans son délire? J'ai blâmé les extases des mystiques. Je les blâme encore quand elles nous détachent de nos devoirs, et que, nous dégoûtant de la vie active, par les charmes de la contemplation, elles nous mènent à ce quiétisme dont vous me croyez si proche et dont je crois être aussi loin que vous. Servir Dieu, ce n'est point passer sa vie à genoux, dans un oratoire, je le sais bien. C'est remplir sur la terre les devoirs qu'il nous impose. C'est faire, en vue de lui plaire, tout ce qui convient à l'état où il nous a mis.